Sugar Crush. Y a un nouveau jeu à la con sur Facebook, Android et iPhone. Où faut éclater des bonbons. Y a de quoi devenir à faune. Pour un euro, tu peux en éclater plus et tout. T'as plus de vie. Pas grave, demande à tes potes. Payer pour des one-up, c'est abuser comme tout. S-U-G-A-R, fini les niveaux pour faire un Sugar Crush. Sugar Crush. S-U-G-A-R, fini les niveaux pour faire un Sugar Crush. Sugar Crush. C'est une nouvelle mode. Payer pour des bonus et des one-up. Battre les scores de tes potes. Faire face à des niveaux souvent pas très top. Je peux plus avancer, faut les bloquer des niveaux. J'ai pas envie de payer, je spam mon Facebook. Ça énerve pas vraiment mes amis, parce qu'ils jouent aussi. S-U-G-A-R, fini les niveaux pour faire un Sugar Crush. Sugar Crush. S-U-G-A-R, fini les niveaux pour faire un Sugar Crush. Sugar Crush. Est-ce qu'un jour Nintendo fera la même chose? J'espère que non. Quoique avec le shop de la Wii. S-U-G-A-R, fini les niveaux pour faire un Sugar Crush. Sugar Crush. S-U-G-A-R, fini les niveaux pour faire un Sugar Crush. Sugar Crush. S-U-G-A-R, fini les niveaux pour faire un Sugar Crush. Sugar Crush. S-U-G-A-R, fini les niveaux pour faire un Sugar Crush. Sugar Crush. S-U-G-A-R, fini les niveaux pour faire un Sugar Crush. Sugar Crush. S-U-G-A-R, fini les niveaux pour faire un Sugar Crush. Sugar Crush. Sugar Crush.